Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Je m'appelle Jean-Tienne Lafrance et je suis accompagnée de ma partenaire à la co-animation, Myriam Leland. Allô, Myriam! Allô, Jean-Tienne! Toujours un plaisir de te retrouver chaque semaine pour notre émission. Et ce soir, tu as réalisé une entrevue avec Nathalie Côté, qui est commissaire du projet Hivernage. Donc, qu'est-ce que c'est le projet Hivernage? Oui, c'était vraiment une superbe entrevue. Comme Nathalie l'a dit elle-même, elle est très verbomotrice, mais dans un bon sens. C'était très intéressant de l'entendre parler du projet Hivernage, qui est en fait le nom de ces 5 œuvres que l'on peut voir en vitrine sur la rue Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch. C'est installé depuis le 8 décembre dernier et c'est disponible encore pour vos yeux jusqu'au 19 février prochain. Donc, Nathalie nous parle un peu plus du projet comme tel et des artistes et des œuvres qu'on peut admirer dans les vitrines. Très hâte d'entendre ça. Et puis, il y a également notre chroniqueuse Myriam Dufour qui nous revient pour cette année 2021 avec une chronique sur l'exposition « Confondre l'espace » qui est présentée à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval, qui est présentée actuellement sous une forme virtuelle là, en l'absence d'ouverture des consignes sanitaires. Donc, c'est une exposition de Roxy Russel et Lucie Gagnon, qui sont deux étudiantes à la maîtrise en arts visuels à l'Université Laval et qui ont uni leurs deux pratiques pour nous présenter un duo. Donc, Myriam va revenir sur cette exposition-là. Et cette semaine, Simon Roy nous fait pratiquer notre brésilien. Oh oui! Avec le groupe brésilien Irmão Victor, où on retrouve des guitares post-punk et des influences aussi du mouvement tropicalial, donc le fameux mouvement musical brésilien des années 60. Et c'est un groupe fondé en 2014 par le multi-instrumentiste Marco A. Benvegnu. Et on entend là vraiment des influences de psychédélisme, du jazz, folk, symphonie pop. Un peu de bossa nova aussi. Ouais. Donc on va se faire bercer par de la musique chaleureuse en ces temps hivernaux. Donc on se laisse déjà avec une piste. Donc je pratique mon brésilien, mon portugais ce soir. Donc c'est Reflexões Navais qu'on écoute et au retour de la pause, c'est l'entrevue que j'ai faite avec Nathalie Côté à propos du projet Hivernage. E se eu fosse um barquinho todo fudido? Você caminharia nas minhas tábuas. Eu não quero quebrar. A noite tem o cheiro de um hálito de bêbado que fala no sotaque dos peritos do meu bairro. Thank you. À l'écoute de l'aérospatiale, Myriam Leland au micro et en ma compagnie, j'ai Nathalie Côté qu'on reçoit pour parler du projet Hivernage. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, ça va bien? Oui, toi? Oui, oui, très bien, merci. On te remercie d'être présente avec nous. On avait très hâte de parler de ça. Hivernage, c'est un projet qui a commencé début décembre, donc le 8 décembre. Ça fait déjà un petit moment que c'est commencé. Puis je vais te lancer tout de suite. Qu'est-ce que c'est Hivernage? Hivernage, c'est un parcours sur la rue Saint-Joseph, là, l'artère commerciale au centre-ville, downtown Saint-Roch, où est-ce qu'on nous a demandé, la SDC, la Société de développement commercial, nous a demandé si on pouvait occuper les locaux qui sont vacants avec des œuvres artistiques, pour donner de l'âme, dans le fond, à l'artère commerciale en ces temps de pandémie, de début d'hiver, et voilà. Fait que c'est le principe, c'est la commande initiale qu'on nous a demandé. La commande initiale était plus axée un peu sur la période des fêtes. Oui. Mais comme le mandat était davantage sur un volet artistique, c'était pas de faire des vitrines pour mettre en vente des produits ou mettre en vente des œuvres. Mm-hmm. Donc, c'est là que j'ai proposé d'avoir un peu plus de poésie ou un sens, une ligne directrice, en fait, à cette expo-là, sur le concept de l'hiver, mais surtout de l'hivernage. L'hivernage, c'est quand on rentre le bétail pour se préparer à l'hiver. C'est quand on rentre, on sort les bateaux pour les préparer pour la saison d'hiver parce qu'ils ne peuvent plus circuler sur le fleuve. Même quand on rentre nos voitures au garage, c'est considéré comme de l'hivernage. Exact. Donc, je trouvais que c'était une belle analogie avec le fait de se mettre à l'abri dans les temps incertains, mm-hmm. mais qu'il y ait une chaleur aussi qui s'y crée à l'intérieur, qui n'est pas nécessairement dans un truc qui est dépressif, qui est juste de se mettre à l'abri des intempéries dans l'idée de ressortir. Donc, de là le principe de hivernage, et c'était la ligne directrice qui a été transmise aux artistes, et à partir de ça, il y avait carte blanche pour créer leur œuvre. OK. Puis justement, dans le fond, tu parles de la commande qui a été passée, de la ligne directrice qui a été envoyée aux artistes. Comment ça a pris vie, ce projet-là? Parce que c'est en collaboration avec la SDC Saint-Roch. Oui, exactement. Donc, c'est quoi la flamèche là, qui a attisé ce projet-là? Puis comment toi, tu es entrée dans ce projet-là aussi? Parce que tu es commissaire invité pour ce projet-là. Oui, exact. La SDC, en vue de la période hivernale, souhaitait avoir davantage d'animation sur son mm-hmm. artère. Et la ville aussi faisait des efforts pour dynamiser notre ville pour cette période-là. Puis comme on est dans un contexte de pandémie, d'inviter les gens quand même à sortir, à aller marcher et à occuper leur ville. Donc ça, c'était le mandat initial avec la SDC, et Desjardins soutenait ces initiatives-là aussi, fait que ça, c'est le commanditaire là, du projet. Mm-hmm. Donc, on voulait un parcours de lèche-vitrine. Donc, ça, c'est le besoin initial là-dessus. L'idée d'avoir des artistes, ben, ils souhaitaient, en fait, que ce soit 5 artistes de la ville de Québec qui prennent place dans ces locaux-là. Et au niveau du CA de la SDC, quand est venu le temps de d'échafauder un peu ce projet-là, ben, mon nom est sorti. Parce que ben, j'habite le quartier, parce que ça fait plusieurs années que je pratique aussi dans la ville et que dernièrement, j'avais fait un projet de commissariat avec Accès Transport Viable pour se servir de l'art, dans le fond, pour sensibiliser les gens à la sécurité piétonne. Et il y a moins d'un an, à la bibliothèque Gabriel-Leroy aussi, on m'avait demandé comme commissaire de prendre d'assaut l'intérieur des murs de la bibliothèque avant son démantèlement pour la nouvelle bibliothèque. Donc, dans ma pratique comme scénographe, mais je fais aussi l'événementiel puis tout ça, je ne vends pas personnellement... des tableaux. J'aime rendre l'art accessible et j'ai plus une pratique qui est axée sur l'art urbain et ajouter de la poésie, des moments de beauté aux citoyens au sein de sa cité. Donc, c'est comme ça que mon nom est sorti pour ce projet-là. Donc, et je suis allée chercher des artistes avec qui j'ai collaboré, avec qui j'ai travaillé, puis que je trouvais qu'ils pouvaient bien se prêter à ce projet-là. Mm-hmm. Mais c'est super intéressant comme projet. Puis justement, si je peux dire, la ligne directrice, mais je pense que t'as comme une notion de rassemblement aussi dans les projets que tu fais, justement, de rassemblement par cette poésie-là dont tu parles avec ce projet-là, mais aussi avec tous les autres projets que tu as mentionnés, Gabriel Roy, des projets de sensibilisation. Je pense que c'est probablement pour ça qu'ils t'ont choisi. Je serais prête à parier là-dessus. Ben, écoute, on va prendre une petite pause, Nathalie. On laisse les auditeurs écouter une courte pièce musicale et au retour, on continue de parler du projet Hivernage dans le quartier Saint-Roch jusqu'au 16 février. About color. The doctor gave to me an explanation. Normal people, you know? I mean... Thank you. De retour à l'aérospatiale, toujours Myriam Leland à l'animation et toujours en compagnie de Nathalie Côté pour parler du projet Hivernage, qui est un parcours de vitrine artistique sur la rue Saint-Joseph, donc dans le quartier Saint-Roch, qu'on peut voir depuis le 8 décembre et qui est disponible encore jusqu'au 16 février. Donc, juste avant la pause musicale, Nathalie, tu nous parlais des balbutiements de ce projet, comment ce projet-là est venu à naître puis à prendre place sur la rue Saint-Joseph. J'aurais envie qu'on parle un peu plus des artistes qui sont présents. Donc, il y a 5 vitrines en tout, dont une à laquelle tu as collaboré, accompagnée de Louis-David Letourneau-Gagnon et Phil Doré. Puis, tu nous mentionnais que les artistes, justement, tu les as choisis parce que c'est des artistes avec qui tu as déjà collaboré et tu savais que avec leur approche, leur questionnement, leur recherche, ça allait bien se prêter au jeu de ces vitrines-là. Qu'est-ce qu'on peut voir, en fait? On parle des vitrines, mais on ne sait pas du tout en ce moment si on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ces vitrines-là? J'ai demandé à chacun des artistes de me créer de façon in situ dans chacun des locaux ce qu'on va appeler c'est le terme que j'utilisais, des petits dioramas. Oui. Donc, plutôt que d'y aller sur un tableau qui est en 2D, l'idée, c'était de rentrer à l'intérieur du commerce. Donc, pour le passant, il circule, il y a la vitrine, mais que son regard se porte à l'intérieur. Donc, on allait plus sur une installation qu'on va dire qui est 3D, mais utilisée un peu sur des plans. Donc, le principe du diorama, donc que ce soit leur travail, mais qui se déploie sur une profondeur pour rentrer dans l'espace. Donc, chacun avait un local qui lui était attitré avec la thématique hivernage. Et sur les 5 installations, la première, elle commence dans les anciens locaux du défunt La Liberté. Donc, oui. On a Mattel qui est là, qui est Mathieu Laroche. Donc, Mathieu a décidé, son œuvre s'appelle « Première neige ». Et à l'intérieur de cette vitrine-là, il y a deux personnages. Il y en a un qui semble plus jeune, il y en a un autre qui semble plus âgé. Donc, c'est une thématique qui est plus animalière. Et c'est les oiseaux qui restent ici pendant l'hiver. Donc, on a l'impression que le jeune j'ai de la misère à le prononcer. Oisillon. Écoute le discours de l'ancien qui a passé plusieurs hivers ici, qui raconte sa première neige. Donc, ça, c'est dans la première vitrine que vous pouvez voir. La seconde, quand vous allez là, en direction du métro, vous allez tomber sur la vitrine de Esté Preda. Et sa vitrine s'appelle le Faune d'hiver, donc son installation. C'est ma préférée personnellement. Là. Il y a le personnage qui ressemble un peu à Krampus, là, cet anti-Père Noël allemand. Là. J'aime bien ça, mais ça fait tellement féerique que ça fait pas peur. Exact. Ben, le personnage qui est central de son installation, c'est un faune. Et un faune, c'est un demi-dieu qui est un protecteur de la forêt. Et quand l'humain rentre dans la forêt puis qu'il va casser des branches puis tout ça, ben, ou la nuit, quand il a peur, c'est le faune, en fait, que ça fait référence. Fait que c'est le protecteur de la forêt, des animaux. Puis l'humain le crée un peu. Ça le fascine, mais ça lui fait aussi un peu peur. Donc, il est en noir, sur fond blanc, sa couronne de pin avec ses chaînes. Oui. J'aime bien que ça joue, dans le fond, entre les deux. Il y a quelque chose de très beau et de très délicat. Puis, tu as un personnage sombre. Puis, quand tu t'approches, tu le regardes, c'est très, c'est quand même... Mais c'est un personnage qui est quand même délicat, le fond. Oui. Là. Malgré sa force puis son animalité, il y a vraiment quelque chose de très... la partie humaine est toujours très délicate et poétique. Donc, c'est vrai qu'il y a ce beau contraste-là. Puis c'est vrai que Esté Preda a vraiment réussi à rendre ce contraste-là. Exact. Il y a toujours ça dans son travail, cette dualité-là dedans qui que j'aime beaucoup. Le prochain local est divisé en deux vitrines. Donc, il y a Olivier Moisan Dufour. Donc, Olivier, dans son esthétisme, qui est toujours présent avec ses cabanes, son bois, ses assemblages, qui fait référence un peu à l'intérieur d'une maison ou du mobilier là, qui est fabriqué. Ah, ça fait très chaleureux. Oui, chaleureux, puis en même temps, on a aussi un beau clash parce qu'il y a un petit nouveau là, dans ces matières avec le plâtre et son installation s'appelle Les Bonhommes. Donc, ils font référence à, pas Les Bonhommes, Salut Bonhomme, qui fait référence à l'expression du carnaval, oui, mais c'est bonhomme au pluriel, comme des bonhommes de neige. De neige. À l'abri, à l'intérieur d'un bâtiment. C'est très surréaliste aussi avec les éclairages hein, devant quand on regarde ça. Fait qu'on a nos bonhommes à l'abri, à l'intérieur, tout ça dans l'esthétisme. Là, C'est très dramatique l'éclairage qu'il y a. C'est tout blanc avec le plâtre, les bonhommes et tout ça. Puis avec l'éclairage, ça donne quelque chose de pas épeurant, mais ouais, dramatique vraiment. Là, ça donne beaucoup de prestance à ces bonhommes de neige-là qui sont en fait des figures qui sont tellement, ben, pas banales, mais tellement pas menaçantes. Avec cet éclairage-là, ça vient créer encore une fois un genre de dualité. Ouais. Bien, chacune des vitrines va susciter une émotion. Il y a de la contemplation aussi dedans et que ça ne dénature pas le travail de l'artiste parce que c'est lui, en fait, qui est dedans. Et autant celle d'Oli que de celle de Patrick Fortchild, qui est juste à côté, on a une autre émotion aussi qui peut s'apparenter plus au dépressionnisme un peu. Il y a le contemplatif, il y a deux beaux clashs. Tu as le personnage à l'avant, tu sais, comme quand les enfants font un peu trop de bruit, puis t'es un peu découragé, puis tu mets la main, là, oui, en face, puis derrière. C'est très mélancolique, je trouve, la vitrine de Patrick Fortchild, qui s'intitule Presque. Exact. Presque Noël. Presque à bout. Presque fini. Presque à bout. Puis derrière elle, t'as le renard qui a entendu quelque chose sous neige et qui va plonger. Les chiens font ça aussi, hein, dans le jeu. Oui. Fait qu'il y a une notion de jeu, de hiver, de trouver ce qu'il faut pour survivre à travers ça. Non, c'est du magnifique Patrick Fortchild en différentes profondeurs. Et notre dernière vitrine, on arrive sur celle qui est une œuvre collective, avec celle que tu as mentionnée tout à l'heure. Fait que là, c'est vraiment Québec chez nous. On a le tableau en derrière-plan, derrière de Louis David, qui représente la montagne. Au deuxième plan, une maquette de la ville de Québec que j'ai faite pour une scénographie d'un spectacle qui s'appelait Québec en deux, présenté au Périscope là, par le Théâtre du Gros Mécano. Donc, ça venait justement chercher à l'historique de la ville, la vie dans les quartiers. Puis au premier plan de cette vitrine-là, on a le fleuve qui est représenté par Phil Doré, qui est illustrateur, mais aussi marin dans la vie. Fait que chacun, nous trois, Louis-David habite à Saint-Féréol, il vient près de la ville, mais il y a un rapport à la nature. Moi, avec ma ville qui travaille dedans, puis mon côté un peu là, démocratique là, dans l'art, et Phil avec son humour et son rapport au fleuve par la marine marchande. Ah oui, ça fait vraiment un... Au final, parce qu'au début, quand j'ai vu cette œuvre-là, je ne savais pas que c'était une œuvre collective. Ça crée vraiment une unité, puis ça crée un paysage comme complet de la ville de Québec et ses environs, avec différents points de vue, justement. C'est encore plus intéressant de voir que c'est des gens qui ont des occupations différentes, qui habitent à différents endroits. Puis tout ça, ça crée justement une unité. Oui, ben c'est tellement un beau projet. J'invite vraiment les auditeurs à aller faire un petit tour sur la rue Saint-Joseph, sinon sur les médias sociaux qu'on a partagé aussi sur notre propre page Facebook. Il y a un petit vidéo d'Esté Préda. Oui, vraiment, ça ne vaut pas s'arrêter devant la vitrine puis prendre le temps de regarder, mais ça donne un excellent aperçu de ce qu'on peut y voir. Oui. Donc, je vous invite à sortir, à aller prendre l'air, à aller voir ces vitrines-là. C'est un beau moment, une belle poésie, un beau moment d'arrêt dans la ville. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Nathalie Côté, d'avoir été des nôtres ce soir. Donc, on se laisse pour une pause publicitaire. Au retour de la pause, c'est la chronique de Myriam Dufour qu'on écoute. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Myriam Leland au micro et en ma compagnie, Myriam Dufour, pour sa chronique hebdomadaire, notre chronique hebdomadaire, sa chronique mensuelle, Myriam, tu viens nous parler ce soir de l'exposition « Confondre l'espace » par Roxy Russell et Lucie Gagnon. Donc, c'est une exposition qui était supposée être en présentiel à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins. Donc, elle est installée maintenant dans la salle d'exposition. C'est comme ça qu'ils ont pu filmer un petit vidéo. Je te lance tout de suite. De quoi veux-tu nous parler par rapport à cette exposition-là? Oui, bonjour Myriam. Alors, je vais vous parler de l'exposition Confondre l'espace. Comme tu disais, actuellement, on ne peut pas la visiter en vrai, mais sur le site de l'Université Laval, c'est possible de voir les œuvres puis d'entendre les artistes parler, alors c'est assez intéressant à regarder. Donc, cette exposition-là unit les pratiques, comme tu disais, de Roxy Russell, je pense, et Lucie Gagnon, qui sont deux étudiantes à la maîtrise en arts visuels à l'Université Laval. Puis, vraiment, ces deux artistes-là, leurs démarches sont animées par une réflexion sur l'espace. Donc, l'espace, ça va vraiment être le point qui relie leur démarche, puis le point de repère de l'exposition, ça va être le thème principal. Donc, elles ont des... Oui, c'est ça, exactement, confondre l'espace. Puis justement, elles ont deux approches assez différentes, deux démarches assez différentes. Puis c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est assez contrastant leurs deux façons de voir voir l'espace. Donc, je vais vous expliquer un peu comment les deux perçoivent ça. Il y en a une, dans le fond, Roxy Russell, elle va travailler à partir des espaces réels, donc des lieux qu'elle a visités réellement. Puis, elle va avoir une approche esthétique plus minimaliste. Elle va simplifier visuellement. Ses œuvres vont être beaucoup plus épurées. Tandis que Lucie Gagnon, elle va aborder l'espace plus sur la surface picturale, l'espace dans la peinture. Donc, elle va vouloir remplir ses peintures le plus possible de formes, de couleurs. Donc, elle va faire une densification d'éléments, une superposition de formes, une modification de couleurs. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment deux façons d'aborder l'espace complètement différentes, mais c'est intéressant. Les deux sont tout aussi pertinentes. Donc, je peux vous faire une petite présentation, en fait, de l'artiste Roxy Russell pour commencer. Oui, c'est ça. Ce ne sont pas des artistes que je connais bien, donc peut-être ça va être intéressant aussi pour nos auditeurs d'en connaître un peu plus sur elle. Oui, vraiment. Moi aussi, je ne les connaissais pas, mais au final, j'ai découvert deux artistes vraiment intéressants, vraiment... J'ai eu des coups de cœur pour les deux artistes, vraiment. Là. Donc, Roxy Russell, elle est d'origine écossaise. Elle a grandi en Suisse, puis actuellement, elle vit à Québec, puisqu'elle fait sa maîtrise en arts visuels ici à l'Université Laval. Comme je disais, elle travaille beaucoup sur l'espace, mais aussi sur les perceptions du temps, sur la question de l'éphémère, sur aussi la cohabitation entre le naturel et le culturel, sur la façon dont on peut manipuler le naturel, donc comment la nature est exploitée par nous, en fait. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une notion de territoire, là, même dans les matériaux qu'elle utilise, c'est très naturel. Exactement. Souvent, elle va aller cueillir des végétaux, des arbres, n'importe quel matériau qu'elle va trouver sur place, puis elle va s'inspirer en fait des paysages régionaux pour ensuite faire une œuvre complètement inspirée du lieu qu'elle a visité. Donc, puis aussi, elle utilise beaucoup le fil comme matériau principal dans ses créations. Puis le fil, ça a nécessairement une symbolique d'assemblage, de connexion. Donc, c'est vraiment une façon pour elle de connecter avec les lieux. Elle va souvent coudre, elle va crocheter, elle va tisser, broder. Oui, il y a de la broderie, c'est ça. Oui. Il y a une œuvre en particulier qui avait attiré mon attention, qui est très vaporeuse. Oui. Exactement. C'est moi aussi, c'est mon coup de cœur de l'exposition des œuvres de Roxy. En fait, l'œuvre s'appelle Et s'il n'y avait plus d'arbres? Exact. Puis, ouais, c'est une broderie sur soie qui mesure 120 par 500 cm. Donc, c'est vraiment une grande œuvre. Ça doit être magnifique à voir en personne. Oui, j'espère vraiment pouvoir aller la voir. On le souhaite. Oui, vraiment. C'est comme une longue, une grande soie blanche, un peu translucide, puis elle flotte dans l'espace de la salle d'exposition. puis sur laquelle elle a brodé plusieurs motifs d'arbres, parce que l'arbre, c'est vraiment le thème central des œuvres qu'elle a choisies dans l'exposition. Mm-hmm. Puis les motifs d'arbres vont être répétés tout au long du tissu, puis ça forme une sorte de chemin, une sorte de ligne. Puis d'ailleurs, elle est vraiment intéressée à la façon qu'on manipule les arbres. C'est assez spécial de penser, tu sais, qu'on est à l'aise de couper les arbres, de les replanter, de les planter en ligne, les planter comme on les voudrait, tu sais, dans un ordre qui est complètement différent de la nature, disons. De les voir un peu comme notre possession, puis notre objet à manipuler, et non quelque chose qui est déjà présent et qu'on ne doit pas bouger, par exemple. Exactement. Puis même parfois, on ose faire des petits graffitis sur les arbres, c'est pour essayer d'identifier je m'y connais pas de temps en environnement, mais bref, il y a une œuvre aussi qui est, c'est justement deux troncs d'arbres. L'œuvre s'appelle Perdre le Nord. Je trouvais que c'était un titre magnifique d'ailleurs. Avec les boussoles, oui. Oui, c'est ça. Il y a deux boussoles, une boussole sur chaque tronc. Les boussoles se font face, en fait, elles se regardent. Puis clairement, c'est quand... Si on peut aller la voir, quand on va pouvoir aller la voir, j'espère, l'exposition, tu sais, ça fait vraiment nous prendre conscience du lieu. Donc, je trouve que c'est une bonne synthèse de sa démarche. On se questionne sur le lieu, puis on prend conscience de notre environnement. Donc, c'est super. Je trouve que cette artiste-là elle a une sensibilité qui est vraiment flagrante, puis on la ressent, même si on a pu voir ses œuvres seulement en ligne, on le ressent, sa sensibilité puis sa délicatesse, puis je trouve ça super, super beau à voir comme œuvre. C'est vrai que c'est quelque chose qui transparaît. On doit le mentionner quand même, comme c'était une exposition qui devait être en présentiel, qui a été transposée sur le web. La plateforme de l'Université Laval fait en sorte que les images sont assez petites, que malheureusement, on ne peut pas les agrandir. On pourrait dire que c'est une fine technique de marketing qui nous donne vraiment envie de les voir. C'est ça, vraiment. Mais c'est vrai que malgré la petite taille de ces images-là, on voit vraiment cette sensibilité-là transparente à travers la sélection d'images qu'il y a. Vraiment, exactement. Puis je trouve que cette sensibilité-là est aussi perceptible dans l'œuvre de Lucie Gagnon, l'autre artiste qui est présentée dans l'exposition à l'Université Laval. Elle, c'est vraiment une sensibilité plus sur les couleurs, sur les formes. Elle dit justement que, parce que sur le site de l'Université Laval, il y a une petite vidéo qui les deux artistes présentent leur démarche, puis j'ai trouvé ça super sympathique. Elle dit que utiliser des couleurs vives, ça la rend heureuse, c'est ça qui l'anime, puis on le ressent beaucoup dans ses œuvres. Dans l'exposition, elle présente 12 tableaux qu'elle présente, en fait, ses explorations plastiques, pardon, de sa première année de maîtrise, puis en fait, j'ai vraiment adoré sa peinture parce que, d'abord, c'est des œuvres de très grande dimension, puis elles sont super colorées, comme je disais. Il y a des taches de couleurs qui animent vraiment ses compositions. Bien, puis qui animent chaque partie de la surface. Oui. Il y a vraiment un effet all over, donc il n'y a pas un coin de toile qui paraît. C'est vraiment lumineux et coloré. Puis c'est pour ça que ça contraste beaucoup avec l'œuvre de Roxy, parce que c'est vraiment dense. Puis ce qu'elle recherche, c'est remplir l'espace, alors que Roxy, elle, c'est plus simplifié. Oui, c'est très minimaliste. Ça... Oui, c'est ça, exact. Il y a vraiment un beau contraste avec les deux, mais c'est quand même intéressant aussi de voir que, ben, comme les œuvres de Lucy sont des tableaux, ben, elles sont au mur, puis donc occupent un peu moins d'espace, de volume. Alors que les œuvres de Roxy, qui sont plus minimalistes, elles occupent beaucoup plus d'espace, étant donné que ce sont plus des installations, des sculptures. Oui. Il y a un beau dialogue. Vraiment. Puis, à première vue, moi, je trouvais que leurs œuvres étaient vraiment différentes. Puis, au départ, je ne comprenais pas c'est quoi le lien, mais quand on s'y penche, le lien est vraiment flagrant. Puis, c'est super intéressant à voir. Puis, ce qui m'a beaucoup marqué dans les œuvres de Lucie, en fait, mon coup de cœur, c'est l'œuvre Les Serpents. C'est une acrylique sur papier. Puis, dans le fond, l'œuvre est pleine de couleurs, encore une fois. Il y a du bleu, du noir, du mauve. C'est assez foncé. Puis, il y a certaines couleurs claires qui vont s'entremêler là-dedans. Puis, en fait, on voit des taches de couleurs qui forment la toile. Mais ces taches de couleurs-là gardent une certaine harmonie. La composition, je trouve qu'elle est super harmonieuse, super bien équilibrée, malgré le fait que ça soit de l'abstraction à la base. Mais En premier plan, comme on pourrait dire, il y a trois vaches qui se dessinent en dessin noir. Puis c'est ça qu'on voit, tu sais, quand on regarde l'œuf pour la première fois. Puis quand on prend le temps de regarder, on voit qu'il y a des visages d'humains qui se cache avec les formes de la vache. Oui, c'est vraiment, vraiment fascinant. parce qu'on est en Zoom, donc Myriam voit ma réaction en temps réel. J'ai un peu ouvert la bouche parce que c'est vrai qu'on finit par voir des visages humains que je n'avais pas remarqué avant. Mais c'est vraiment... Moi, ça m'a vraiment impressionnée parce qu'elle est capable de garder l'harmonie de la toile, même si elle mélange l'abstraction puis le figuratif en même temps. C'est super bien équilibré, ouais, même avec vraiment les couleurs. Il y a beaucoup de noir, mais à cause du genre de fuchsia, magenta, le bleu royal, ça fait ressortir certaines zones aussi. Là. C'est vraiment jouer avec la lumière sans avoir tant de tons pâles que ça. C'est assez foncé. Oui. Mais il y a quand même un jeu de lumière et d'ombre. Oui, vraiment. Puis c'est justement, c'est ça, ça crée des compositions super vives, rythmées. C'est agréable. Bien, en tout cas, j'aimerais encore une fois aller voir en vrai parce que c'est des super grandes, des grandes peintures de grandes dimensions. Donc, ça va être encore plus fascinant à voir sur place. Mais au moins, on a un bel aperçu sur le site. Exactement. Puis comme on le mentionnait hors d'onde aussi, la peinture, c'est très intéressant de pouvoir voir la texture, le jeu de la lumière sur les couleurs, dépendant du médium choisi, tout ça. Surtout des grands formats. C'est toujours vraiment plus agréable de voir en personne. donc, si les mesures gouvernementales s'assouplissent sous peu, ce sera possible peut-être d'aller la voir jusqu'au 26 mars. Exact. Sinon, le petit vidéo que tu as mentionné qui est disponible sur la page du site web, c'est le bureau des affaires de la vie étudiante. De la vie étudiante, c'est ça. Exactement. Donc, on peut visionner les photos des œuvres et une vidéo dans laquelle on voit l'installation de l'exposition. Donc, ça nous donne une idée aussi de comment ces œuvres-là occupent l'espace et dialoguent entre elles. Exact. Puis on voit aussi la complicité entre les deux artistes ça m'a beaucoup interpellée. Ça m'a donné le goût, en fait, d'aller voir sur leur site web, d'aller chercher encore plus sur ces deux artistes-là. Ils sont super sympathiques, super réfléchis dans leurs deux façons d'aborder l'espace. Donc, je vous encourage en fait à aller voir cette exposition-là en ligne. C'est super, super intéressant. C'est un travail super intelligent, je trouve. Oui, bien merci pour la belle découverte. C'en était une pour moi aussi, Myriam Dufour. Donc, nous, on se laisse pour une courte pause audio et au retour de la pause, c'est déjà la fin de l'émission avec l'agenda de la semaine. Sonha com saias embaixo do chão. Se perderam na viagem e abrem passagem para a estação, onde embarca o cão que regressa. Em que trem que entra o rei que perdeu a coroa na festa? Nenhum tem trocado pra nota de 100. Preciso roer os teus ossos para poder dormir. nasce a noite, for noite de lua. Vou seguir as migalhas de pão. Que é um pecado viver nesse estado. Não diz no contrato, não tem solução. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. C'était la pièce Aus der Sons qu'on écoutait du groupe Irmão Victor, donc ce groupe portugais, brésilien en fait, pardon, qui chante en portugais. Et c'est déjà la fin de l'émission. Donc, on y va avec un bel agenda de la semaine. Gentiliane, la France, cette semaine, on a Sujet à risque, qui est un projet de bande vidéo dans le but de stimuler la création vidéographique originale et la diffusion de nouvelles œuvres pendant le confinement. La bande vidéo a lancé en octobre un appel national à la création de courtes œuvres d'animation expérimentale ou en vidéo d'art. Donc, ils ont constitué une programmation de 20 œuvres d'artistes canadiens qui s'intitule, la programmation s'intitule « Sujet à risque ». Donc, c'est présenté en ligne sur les réseaux sociaux de bande vidéo. Ça a commencé le 25 janvier, donc cette semaine, et c'est à raison d'une œuvre par jour en semaine. Donc, on en a une qui sortait aujourd'hui. Il y en a une autre à chaque jour après ça. Donc, celle qui sortait aujourd'hui, c'est Slobodan Radosavljevic. Pardon! demain, on aura Aline Martineau. Après-demain, ce sera Clara Cousineau et Marion Paquette, et ainsi de suite jusqu'en février, en fait. Donc, on pourra vous le rappeler dans les prochaines émissions aussi. Puis ensuite, ce sera disponible dans la médiathèque de bande vidéo. Donc, même si vous n'avez pas l'occasion de les voir sur les médias sociaux, vous pouvez retourner les voir sur le site de bande vidéo. Qu'on a d'autre cette semaine? Une vidéo par jour, c'est quand même beaucoup. C'est énorme, oui, c'est ça. Ils se sont donnés pour vraiment nous offrir beaucoup de contenu. On apprécie énormément. Ben oui, parce que on ne s'ennuiera pas. Et puis, au lieu de, à partir du 22 janvier jusqu'au 21 février, c'est un projet donc, qui devait être une exposition. Mais en fait, il y a une exposition, mais c'est de manière virtuelle que c'est diffusé principalement. Donc, c'est le projet Rivage de Caroline Gagné et Christophe Havard donc, Caroline Gagné qui est au Québec et Christophe Havard qui est en France et qui développe comme ça une espèce de dialogue de field recordings en bon chinois, de photos, de vidéos, d'accords de piano. Donc, on avait eu un aperçu de leur pratique lorsqu'on avait explorer les projets d'Avatar avec les projets repères d'Avatar. Donc, c'est un peu dans la poursuite de ce dialogue entre les deux rives. Et on peut aussi aller fouiner dans la vitrine du lieu parce qu'il y a une installation réelle au lieu. On ne peut pas y entrer, mais on peut quand même regarder l'intérieur et avoir un aperçu de leur travail. Il y a des magnifiques vitrines en plus au lieu, donc pourquoi ne pas en profiter quand on n'a pas le choix d'utiliser cette avenue-là pour pouvoir profiter des créations artistiques de la ville de Québec. On a aussi la résidence de Marie-Claude Drolet chez Engram qui commençait le 18 janvier dernier et qui se termine le 29 janvier. D'ailleurs, on va la recevoir à l'émission la semaine prochaine parce que Marie-Claude Drolet, sans être trop possessive, elle voulait profiter de l'occasion pour la recevoir. Recevoir à l'émission puis parler de ce projet-là parce que Marie-Claude fait tout le temps des magnifiques entrevues avec d'autres artistes, mais on l'entend rarement parler de sa propre pratique. Et puis, il y a Hivernage aussi, dont tu t'es entretenue avec la commissaire Nathalie Côté, qui est présentée dans différentes vitrines de la rue Saint-Joseph-Est, donc des vitrines vacantes, jusqu'au 19 février. Et puis, jeudi, du côté de l'Université McGill, mais sur Zoom, on peut assister à une conférence de Caroline Monet à partir de 16h. Et puis, il y a un autre événement en ligne jeudi, Myriam. Oui, exactement. Donc, ce sont les ateliers Wiki en art actuel. Donc, c'est une deuxième série d'événements de contributions à Wikipédia qui ont commencé en septembre 2020 et qui s'étalent jusqu'en mai 2021. C'est à chaque dernier jeudi du mois. Donc là, c'est ce jeudi justement pour le mois de janvier, de 17 à 19 heures. Et à chaque atelier, les participants qui débutent pourront suivre une courte introduction à la contribution sur Wikipédia. Et j'en profite pour mentionner que ces événements-là sont très importants pour augmenter la visibilité en fait des artistes et des personnes qui sont plus marginalisées et sous-représentées. Donc les femmes, les personnes des communautés LGBT, QIA2S+, et les personnes issues des communautés autochtones, ethnoculturelles ou racisées. Donc, les personnes qui sont issues de ces communautés-là sont encouragées à participer, mais n'importe qui peut contribuer à augmenter la visibilité de ces super artistes aussi. Et c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web à l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi un des meilleurs moyens en ville de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram pour avoir... on a commencé à avoir des petites présentations de nos chroniqueurs, chroniqueuses sur Instagram. Oui, parce qu'on les aime tant, puis on a envie de vous partager notre amour pour eux et vous montrer la diversité aussi des personnes qui contribuent à l'émission. Donc, on termine en remerciant Nathalie Côté, bien sûr, d'avoir accepté une entrevue avec nous, ainsi que notre chroniqueuse Myriam Dufour. Un salut spécial à notre Van Dyke de la mise en onde, Jacques Gignac, qu'on a toujours hâte de retrouver en studio un jour. On lâche pas la patate, comme on dit. On garde espoir. On a hâte de le retrouver. Puis, on se laisse sur un dernier extrait de l'album Chronopio du groupe Irma Victor. Et on se dit à la semaine prochaine, Gentiane La France. À la semaine prochaine, Myriam Lelin. Ela é logo ali, mas só que ela não existe. Eu não vou saber como explicar. Esse planeta é um quarto de hotel. Tudo tem cheiro de viagem. Oi. Vai um pouquinho pro lado, por favor.